Page 81. Activité 5. Piste 71. A. Tu as cours à quelle heure? J'ai français à 8 heures. B. À quelle heure Alice va à l'école? Elle y va à 8 heures. C. Elle déjeune à quelle heure? Souvent à midi. D. À quelle heure commence la danse? Elle commence à 19 heures.